Monsieur Bachelor. Monsieur Emilien. Comment allez-vous? Mademoiselle Céline. Bienvenue dans la République des hommes élégants. En venant ici, c'est une boutique qui ne répond pas aux normes des boutiques normales. Je vais te proposer des choses que tu vas aimer. Ça, en fait, quand tu es menu, hein, tu es très menu. Donc, il faut quelque chose qui te va bien, tu vois, qui te sente bien, dans lequel tu vas te reconnaître à ton. Regarde. Peut-être pas ça, c'est trop grand. Attends, je vais te chercher quelque chose de sympa. Voilà. Ça, c'est un costume. C'est quelle couleur, ça? On est dans le rouge, mais alors... Un rouge pétant. En temps normal, à Paris, ce rouge-là, je le porterais souvent en veste. Soit la veste, soit le pantalon. Mais nous, ici, tu l'as en total look. Ça, c'est le costume qu'il a. Eh bien, là, on va faire dialoguer les couleurs. Faire chanter les couleurs. Voilà. Là, je te prends une chemise blanche, mais avec des petits points bleus. Ça, c'est des créations, Céline. Ça, normalement, je l'appelle ça, c'est de la sorcellerie. Parce que ce qui va naître de ma tête, là, les choses que je suis en train de proposer, c'est autre chose. Oui, là, c'est le petit pois. Qu'est-ce que je fais? Je continue ma folie, parce que habiller quelqu'un, c'est de la folie. Et là, c'est pas fini. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, la souci, la même cravate bariolée, rouge-blanc, qui va rappeler le blanc de la chemise et le bleu. Vous voyez quoi? Vestimentairement, il vient de créer la trilogie de couleurs achevées et inachevées, les trois couleurs. Ce que je vais te demander, c'est d'enlever la sape que tu as là, que j'appelle la sape lettre à la poste. Enlève un peu le blouson. Merci. On est parti pour un essayage. Bon, voilà. Reste comme ça. Je vais te chercher. Il y a des chemises ici. Oh, mon petit. Aïe. Ah, bon, c'est pas grave. On va essayer l'essentiel que ça donne. Mets la chemise blanche là. Mets le pantalon et puis je vais te faire des réglages. Bon, j'ai quelque chose, mais là c'est son neuf. Bon, il faut quand même te prêter pour que tu vois un peu ce que ça donne quand quelqu'un change de look. Oh, la veste, regarde. Comment il met la veste? Aïe. Comment tu oses faire des choses comme ça? Laisse-moi te coacher, ma soeur. Ah, c'est lui. Je souffre, un beau garçon comme ça. Chausse-pied. Je suis en pleine transformation en même temps là. Non, mais chausse-pied. Bien. Mais tu es les gosses purée. Tiens d'abord, j'ai un autre truc. Purée. Tu as vu, non? Ça devient un jeu qui m'intéresse, ça. Tu vois, mais moi, je me prends au jeu. Tu vois, au départ, je me dis, bon, on va l'habiller. Mais là, non, c'est tout. Regarde. Tu fais ça. Voilà. Fais comme si tu regardais à ta gauche. Non, bien comme ça. Voilà. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Reste, ne bouge pas comme ça, reste comme ça, voilà. Oh putain, ce garçon-là. Il est. Tu es au top là. Tu vas au mariage ou quoi? Non, mais il va tuer. C'est mon petit, il s'appelle voilà. Emilien. Waouh. Comment vous êtes? Très élégant. Ouais. Très élégant. T'as vu, hein? C'est pour le mariage. Ah, c'est super. Quand tu sais, tu l'avais vu quand il était rentré. Oh là là. Et maintenant, c'est dit. Mais moi, tu vois, non, il a tellement une silhouette. Non, vous êtes super, donc c'est rouge. Hein. C'est magnifique. Hein. Rien que les chaussures, finalement, c'est le bougie. C'est bien, ça, c'est autre chose. Ça même. Si ça s'habille comme ça, la grippe ne viendra jamais. Non, c'est vrai. Et non, ça, c'est pas de la flatterie. C'est moi, je suis un professionnel. Et ça donne. Mais toi, tu as de la niaque. Toi, c'est le côté un peu, tu vois. Le côté un peu James Dean. tu sais qui me plaît sa tête là, tu vois. Ce côté un peu James Dean, il reste comme ça. Et tu vois, c'est cette beauté sauvage, il ne faut pas la transformer. Qu'elle a un visage beau, mais un petit visage d'un petit rebelle. Et c'est ça. Et c'est que nous revendiquons, c'est de la sape. Parce que la sape, c'est pas des gens qui sont plats. C'est-à-dire que tu es là, taciturne, non, c'est pas non. La sape, c'est quelqu'un qui, la sape, c'est quelqu'un qui s'assume. Tu vois, moi, je suis là. J'existe. Non, mais toi, tu en penses quoi? Tu vois, ça m'intéressait. Je pensais pas que j'allais être convaincu. Ça veut pas dire que je vais me mettre à m'habiller comme ça tout de suite. Hein. Ouais. Mais c'est plutôt qui est en fait une transformation que tu sens tout de suite, t'es obligé quoi. Tu ne soulèves pas possible. Qui met un peu, tu vois, je suis un peu mal à l'aise en même temps. C'est pas, parce que pas ma personnalité. C'est pas ta personnalité. Ouais. Mais c'est une personnalité que tu as en toi, mais quand t'as jamais révélé. Tu as été baptisé aujourd'hui par moi, bachelor, qui se lave au parfum. Oui, monsieur.